بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد نواصل إن شاء الله في وصايا الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى. وقفنا عند الوصية الأولى التي هي وصية التقوى وبين لنا فيها حفظه الله تعالى أن التقوى لها مراتب، فرأينا المرتبة الأولى والمرتبة الثانية والآن مع المرتبة الثالثة إن شاء الله. continuons إن شاء الله avec ce deuxième cours avec les conseils du Cheikh Salih al-Sheikh Hafidhahullah Ta'ala. Hier, nous avons vu le premier conseil qui est le fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que taqwa, qui est le fait de préserver les droits d'Allah azawajal, il a trois degrés, et que nous avons vu le premier degré et le deuxième degré, et aujourd'hui, Inch'Allah, avec le troisième degré. قال رحمه الله تعالى وحفظه والمرتبة الثالثة من مراتب التقوى هي التي ربما لم يحصل عليها إلا الخاصة من الناس، وهي أن يترك ما لا بأس حذرا مما فيه بأس، يترك بعد الأشياء التي يشك فيها خشية أن يواقع المحظور. Il dit, حفظه الله تعالى, quant au troisième degré de la taqwa, c'est ce degré-là, peut-être qu'il n'y a que les particuliers parmi les gens qui l'atteignent. C'est le fait de délaisser les choses sur lesquelles qui sont autorisées, les choses sur lesquelles il n'y a aucun mal, pour ne pas tomber dans le mal. Délaisser certaines choses sur lesquelles il a du doute, par peur de tomber dans ce qui est interdit. يقول وهذه قد جاءت في بعض الأحاديث كما في قوله لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما فيه بأس. Et il dit, certains hadiths sont arrivés dans ce sens, sont arrivés dans ce sens-là. Comme il dit dans un hadith qu'il cite ici, le serviteur n'arrive à la réalité de la taqwa que quand il y arrive, quand il délaisse les choses sur lesquelles il n'y a aucun mal, pour ne pas tomber dans les choses et dans les situations du mal. On y arrive avec quoi? Avec le fait de délaisser les choses sur lesquelles il y a des ambiguïtés. Des ambiguïtés, c'est les choses qui ne sont pas très claires. وَهُنَاكَ مُشْتَابِعَاتٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالنَّظَرِ. Il y a des choses qui ne sont pas claires, qui sont ambiguës, qui concernent la vue. وَهُنَاكَ مُشْتَابِعَاتٌ أُمُورٌ مُشْتَابِعَاتٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْكَسْبِ مِمَا يَكْتَسِبُهُ الْإِنسَانُ. Il y a des choses qui ne sont pas très claires, qui sont ambiguës, ce qui concerne ce que gagne la personne. Il y a aussi des ambiguïtés, des situations qui ne sont pas claires, qui ont rapport avec la façon comment on accomplit le travail, comment on accomplit les actes. Et il y a les ambiguïtés en rapport des situations qui ne sont pas claires en rapport avec toutes les situations dans lesquelles passe le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ تَرَكَ تِلْكَ الْمُشْتَبِهَاتِ وَابْتَعَدَ عَنْهَا بَعِيدًا عَنِ الْحَرَامِ سَيَكُونَ كَانَ بَعِيدًا عَنِ الْحَرَامِ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْ امْتِتَالِ أَمْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Et celui qui délaisse ces situations qui ne sont pas claires et ces situations qui sont ambiguës, il va s'éloigner, évidemment qu'il va s'éloigner, qu'il va être très loin des choses illicites. Il va être proche de la soumission à Allah Azza wa Jal et de le fait, et du fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ وهذه هي الوصية الأولى وهي وصية الوصية بتقوى الله عز وجل. Il dit, rahmatullah alayhi wa hafidhahullah, il en est ainsi de ce premier conseil qui est taqwa, qui est le fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول الوصية الثانية التفكر في آلاء الله. Le deuxième conseil, il dit, le fait de penser dans les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. يقول أما الوصية الثانية فهي ألا يترك العبد نفسه من التفكر في آلاء الله عز وجل وسكان المدن الذين يسكنون في المدن يفوتهم شيء عظيم ألا وهو التفكر في آلاء الله التفكر في ملكوت الله جل وعلا. Dit le deuxième conseil, c'est que l'être humain doit pas délaisser la situation du fait de méditer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala et cette énorme création qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Et il dit, les gens qui habitent les villes et qui vivent dans les villes, hein, négligent beaucoup cette situation-là. Ils n'y arrivent pas, ils n'accomplissent pas le fait de méditer les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la grandeur de l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens des villes passent à côté, il dit, rahimah Allah ta'ala. قولوا والله جل وعلا أمر عباده بأن يتفكروا في الملكوت والتفكر في الملكوت يورث معرفة الله جل وعلا ويورث معرفة ربوبيته جل وعلا وإذا أتمل ذلك الربوبية في قلب العبد وفي عقله وفي لبه فإن الربوبية تقود إلى عبادة الله جل وعلا حق عبادته il dit حفظه الله تعالى الله سبحانه وتعالى ordonné à ses serviteurs le fait de méditer le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de réfléchir sur cet univers et sur ces choses que Allah subhanahu wa ta'ala il a créées. Car il dit le fait de réfléchir, cela fait hériter à la personne le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et de connaître la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et cela, il va en résulter quoi? Quand tu connais la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la grandeur de l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala, les grandeurs de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela, évidemment, va instaurer dans la raison de la personne et dans le cœur de la personne le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'accomplir les actes d'adoration pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car, si tu médites bien le Coran, hein, tous les versets dans lesquels il y a la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout de suite après, il y a le fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prends rien que le premier ordre que les humains ont reçu. « Ya yuhannas, ubudu rabbakum ullavi khalaqakum, wallavina min qablikum. La'allakum tattaqoun, alladhi ja'ala lakum al-arda firashan, wassama'a bina'an, wanzala minas sama'a iman, fa'akharaja bihi minas thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. » Tu prends le premier ordre. Et la première interdiction qu'il a donnée Allah subhanahu wa ta'ala, il est dit aux gens, préservez, adorez Allah, réservez votre culte à Allah, azzawajal, qui vous a créé. Il les ramène à quoi? C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui a la souveraineté totale. Il a la création totale. Il vous a créé, donc vous devez lui réserver le culte. Il vous a créé ce avant vous. Et ensuite, vas-y Soufia. Ya ayyuha an-nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum alladhi ja'ala, celui qui a fait que le ciel soit un toit pour vous et la terre stable, il l'a fait qu'il soit stable pour que vous y habitez. Et il a descendu du ciel votre subsistance et ainsi de suite. Il nous montre tous les actes que ne peut faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous montre la grandeur de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'il faut faire? Adorer Allah et ne pas faire d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de méditer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, doit créer en nous, il doit être un leitmotiv pour nous et quelque chose qui nous pousse vers le fait d'accomplir et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. قال سبحانه وتعالى آمرا بالتفكر إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. Il est dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne, le fait de méditer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous ordonne, je vous conseille une seule chose, c'est que vous accomplissiez les choses et les actes avec sincérité et suivi, ensemble, en individu. Peut-être vous allez atteindre le degré de la méditation. Peut-être vous allez méditer la situation. Je vous intime, je vous fais, je vous conseille une chose, c'est d'accomplir les actes sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, ensemble, en individu, ou individuellement. Et ainsi vous allez atteindre le degré de la méditation. Vous allez méditer l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. وقال جل وعلا قل انظروا ماذا في السماوات والارض. Il est dit dans l'autre verset, nous interpellons au fait de méditer. Dis-leur. قل انظروا. Dis-leur. Regardez ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a sur terre. C'est pas regarder le fait de regarder, c'est le fait de méditer, de voir cette grandeur, la grandeur de cette création, pour que s'instaure dans notre cœur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et adorer Allah azza wa jal. Il dit le cheikh Ahlul Mudun, yandhuruna ila as-sama' wa laysat hiya as-sama' wa yandhuruna ila al-ard wa laysat hiya al-ard. Cheikh, il nous dit, les gens des villes qui habitent les villes, les citadins, regardent le ciel et ce n'est pas le ciel. Et ils regardent la terre et ce n'est pas la terre. Et ils regardent la végétation pousser, mais à leurs yeux, il n'y a rien. Ainsi sont les gens de la ville et les citadins. Ils regardent ce qui se passe autour d'eux, mais il leur échappe le fait de méditer et de comprendre les situations. De méditer l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement il est pris par la routine de son travail, la routine de la vie. Comme vous dites, notamment un métro, boulot, dodo, il n'y a plus rien. Il passe, le coucher de soleil est devant lui, il ne voit rien. La lune... la pleine lune, ou là le croissant lunaire, il ne se rappelle même plus la naissance de la lune, rien que pour faire le dua de la naissance d'une, il passe. Il a raison, cher, quand il parle ainsi. Et surtout, s'il le dit pour les gens qui habitent dans les pays arabes, qu'est-ce qu'il en est de ceux qui sont éprouvés avec la vie en Europe, et avec tout ce que ça comporte avec elle. Et il voit devant la végétation, c'est une végétation, c'est un petit truc vert. La meilleure des situations, tu le vois, oh c'est beau. Il dit même pas mashallah, ni quoi que ce soit, ni la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala qui. Il dit non, c'est beau. C'est un beau décor. Mashallah. Faïda hassan al-abdu, hassan al-abdu hadha al-amr, ala wa huwa imtitalu amri Allah, bit tafakkur fi ala illah, fa innahu yahsulu lahu anwa'un min al-iman, wa al-yaqin, wa ma'rifatullahi jalla wa ala, la yudrikuha illa man tadabbara wa ta'ammal. Il dit, Hafidhallahu ta'ala, quand le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala acquiert cette situation, qui est le fait de mettre en application l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait de méditer l'univers d'Allah et la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, il va en résulter une certaine catégorie de foi, une certaine certitude, une certaine connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous capte et que n'a que ceux qui méditent la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui réfléchissent sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui passe à côté d'un bouc ou celui-là et te dit qu'ils sont belles les lumières, il n'a rien capté. Il y a juste l'esthétique des couleurs qu'il y a. Mais en réalité derrière, il n'a rien capté. Yaqulu al-Sheikh, naqulu inna tawhid al-rububiyya mimma lam yubtala bihi an-nas. Fa inna tawhid al-rububiyya na'ni al-iqrar bi anna Allah jalla wa ala huwa al-wahid fi khalqihi. هو الخالق وحده وهو الرازق وحده وهو المميت وحده وهو المعين وحده إلى آخر أفراد توحيد الربوبية هذا مما لم يبتل به الناس يقول هذا صحيح فإن ابتلاء الناس إنما هو بعبادة الله وحده لا شريك له il dit حفظه الله تعالى en ce qui concerne le monothéisme de la souveraineté les gens n'ont pas été éprouvés par le monothéisme de la souveraineté car le fait de confirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul qui a créé, le seul qui donne la subsistance, le seul qui donne la vie et la mort, etc. Et seul qui aide, etc. Parmi tout ce qui a rapport avec le monothéisme, avec la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci les gens n'ont pas été éprouvés avec. Mais leur grande épreuve et l'épreuve des gens, c'est le fait, il est dans le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas lui faire d'associer. D'ailleurs, les prophètes, alayhi salatu salam, la seule, pourquoi ils ont eu la guerre avec leur peuple, c'est qu'ils n'ont pas dit, ils n'ont pas eu la guerre directement avec leur peuple contre leur peuple, leur dit, qui a créé les cieux et la terre et les peuples les reconnaissent là. Ils ont commencé à avoir des problèmes avec eux quand ils ont appelé leur peuple à réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, à délaisser le culte des astres, à délaisser le culte des statues, à délaisser le culte de la nature, etc. À ce moment-là, les problèmes ont commencé à tomber sur les croyants qui ont suivi les prophètes et les prophètes alayhi salatu wassalam. يقول الشيخ لكن ليس معنى ذلك ان يترك العبد التفكر في افراد الربوبيه. Il dit, mais cela ne veut pas dire que l'être humain et le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala doit délaisser le fait de méditer les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala et la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. فان التفكر في افراد الربوبيه امر محتم واجب من الواجبات الشرعيه. Il dit, حفظه الله تعالى, le fait de méditer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala est quelque chose d'obligatoire. C'est une des obligations de la législation qui est le fait de méditer parce que l'ordre nous a été fait intimement par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a intimé l'ordre de méditer cette création pour acquérir et pour connaître réellement la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour, après que ça nous pousse à accomplir ce que veut donner Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Il dit, « Lianna Allah jalla wa ala amara bih » كم من آية في القرآن وكم من حديث في السنة فيه وصف آلاء الله جل وعلا وفيه وصف ما في ملكوت الله جل وعلا. Il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. Le fait de méditer la création, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. Combien de hadiths aussi il y a dans le hadith la description de l'univers d'Allah et de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et des grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ فتأمل وانظر في هذا الملكوت تأمل الأرض كيف هي وقد اجمع العلماء على أنها كرة في السماء معلقة بلا عمد وتأمل الشمس كيف تجيء وتذهب وكيف يحصل هذا ويحصل هذا من الذي فعل ذلك وكيف خلقت الأرض على هذا النحو وكيف علقت السماء على ذلك النحو. Il dit, حفظه الله تعالى, médite et regarde l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Médite la terre, comment il est. Et il dit, les hommes de science sont unanimes, qu'il est en forme ronde, suspendu, dans l'univers, sans pilier, sans quelque chose qui la tienne. Et il dit, il médite le soleil, comment il vient, comment il part, comment tout ceci arrive. Comment tout, médite donc le fait, comment tout ceci arrive. Et qui fait tout cela? Et qui a créé les cieux? Qui a créé la terre dans la forme qu'ils ont? Les cieux sont là, sans qu'ils aient, sont élevés, sans piliers. Et il est dit dans le verset, رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا. Les cieux sont élevés sans pilier que vous voyez. Alors que nous, pauvres êtres humains, si tu veux élever quelque chose, tu es obligé. Les fondations, les piliers, pour pouvoir faire quoi que ce soit. Les cieux, tu n'arrives même pas à capter la grandeur des cieux. Comment tu peux savoir la grandeur des cieux? Et on ne voit pas de piliers. Ils sont comme Allah subhanahu wa ta'ala veut. Il m'a dit, ainsi vous devez être, ils étaient comme le voulait Allah subhanahu wa ta'ala. وقال في الآيات الأخرى خلق السماوات بغير عمد ترونها. Il est dit dans l'autre verset, il a créé les cieux sans pilier que vous voyez. قال السماوات والأرض عبرة للمعتبرين لكن من يعتبر. Il dit, حفظه الله تعالى, les cieux et la terre sont une leçon pour ceux qui prennent la leçon. Mais qui prend la leçon? Mais qui prend la leçon? يقول إنما يعتبر أولو الألباب. Il dit, certes, ne prend la leçon, il ne prend les choses en considération que ceux qui sont doués de raison. قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Il est dit dans le verset, certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans la succession de la nuit et du jour, des nuits et du jour, c'est un signe. C'est un signe pour que, pour qui, pour ceux qui sont doués de raison. Hada pour eux, c'est un signe. Faulu al-albab humu alladhina yastakhrijuna al-ayati min as-samawati wal-ard Il dit, ceux qui sont doués de raison, c'est eux qui prennent les leçons du ciel et de la terre et de ce qui se passe autour d'eux. Ils prennent la leçon de tout ça et ils le méditent. فلو كان المرء يجعل لنفسه بعض الوقت فإنه يخرج خارج المدينة لينظر في ملكوت الله جل وعلا ينظر ويعتبر كيف يخرج هذا النبات من هذه الأرض ينظر في التراب فلا ترى فيه بذرة فإذا أنزل الله جل وعلا عليه الماء اهتزت الأرض وربت ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهذا أحد أفراد خلق الله سبحانه وتعالى Il dit, Habibullah Ta'ala, si l'être humain prend pour lui un laps de temps, il prend un temps avec lui-même, il sort en dehors de la ville, et il regarde ce royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, il médite ce royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il regarde pour prendre la leçon, et il regarde et il prend la leçon, et il regarde dans la terre, et il regarde cette végétation qui sort de la terre, il regarde cette terre dans laquelle il ne voit pas de semences, et dès qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend la pluie, cette terre bouge, il vit, il sort ce qu'il y a dans son intérieur. Et il est dit dans le verset, il fait partie du Sistine, que tu vois que la terre elle est calme, il n'y a rien dessus, il est sec. Et tout d'un coup, quand Allah subhanahu wa ta'ala descend l'eau dessus, qu'est-ce qu'il fait? Il vit, il bouge, il sort ce qu'il y a dans son intérieur. Qui l'a fait vivre? C'est celui qui fait vivre les morts. Et ça fait partie des individus de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a créées, ça fait partie du domaine de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ تتأمل في السماء تتأمل في الأرض تتأمل في نفسك تتأمل في من حولك فهذا التأمل وهذا التفكير ينتج لك أنه ولا شك أن الذي خلق هذا الخلق وصوره أنه هو الله جل وعلا il dit حفظه الله تعالى tu médites le ciel, tu médites la terre, tu médites en toi-même. Tu médites ce qu'il y a autour de toi. Il dit cette méditation. Et c'est le fait de penser ainsi va faire naître en toi sans aucun doute que celui qui a créé tout ça à la perfection. Et selon cette image, c'est Allah Azza wa Jal. يقول وإذا كان كذلك فإن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسوله حق وهو كلام الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول من عند الله حق فيتمل ذلك عندك فيتمل لك ذلك بيقين أنه يجب أن تطيع وأن لا تتردد في أن لا تتردد في طاعة فليس المجال مجال شك il dit حفظه الله تعالى et si l'on est ainsi ce Coran que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur son messager est véridique Et c'est la parole d'Allah. Et que son prophète, alayhi salam, c'est le messager d'Allah, azza wa jal, et qu'il est venu min Allah, azza wa jal, avec la vérité. Et il dit, tout cela va faire naître en toi avec certitude qu'il est obligatoire que tu obéisses. Que tu obéisses à Allah et à son messager. Et que tu n'hésites pas dans ton obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et parce que la situation n'est pas une situation de doute et d'hésitation. يقول وأن الخلق لا بد سائلون إلى الله وتأمل هذا الخلق وإن إعادة الخلق على الله عز وجل أهون كما قال سبحانه وتعالى وهو فإعادة الخلق أهون من ابتدائه كما قال سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه فإعادة الخلق أهون من ابتدائه والخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس كما قال عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس il dit حفظه الله تعالى il y a aucun doute que les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala vont retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala il dit il médite cette création il médite le fait de refaire cette création et de la faire renaître et que le fait de la commencer est beaucoup plus important. Donc le fait de la recommencer, le fait de la créer, au début, de commencer cette création, est beaucoup plus important. Alors que le fait de la recommencer est plus simple et plus facile pour Allah Azza wa Jal, comme il est dit dans le Coran, c'est lui qui a commencé la création. Et c'est lui qui va la refaire, et ceci est facile pour Allah Azza wa Jal. Et ceci est facile pour Allah Azza wa Jal. Le fait de recréer la création, ceci est plus facile à Allah, pour Allah subhanahu wa ta'ala, hein, que le début. Hein. Le fait de créer les cieux et la terre est beaucoup plus important, beaucoup plus énorme, beaucoup plus grand que la création des humains. Comme il est dit dans le Coran, certes, la création des cieux et de la terre est plus importante et plus énorme que la création des gens. فإذا تأمل العبد ذلك ولم يكن فيما ينظر في الملكوت وفيما ينظر من خلق الله يكون فيه إما يكون فيه ينظر فيه بنظر الغبي البليد بل ينظر نظرة ذكي ينظر ويتأمل في هذا الذي حوله لما خلق ولماذا جاء الناس ومن الذي صنع هذا هل يعقل أن يكون هذا المسجد جاء من عند نفسه وتركب هذا التركيب il dit Hafidhahullah Ta'ala, c'est l'être humain, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, médite comme il se doit. Et quand il regarde dans l'univers, il regarde avec un regard doué de raison. Il a un regard de quelqu'un qui est éveillé. Et non pas un regard paresseux. Il y a un regard qui regarde tout simplement pour le regard, mais un regard qui veut prendre la leçon. Un regard intelligent qui médite pour prendre la leçon. Hein? Il médite tout ce qu'il y a autour de soi. Il dit pourquoi ? Il se pose les questions, pourquoi ceci est créé? Pourquoi les gens sont là? Hein? Qui a créé tout ça? Et pourquoi? Est-ce que cette mosquée ou là, cet endroit s'est créé lui-même? Il s'est composé lui-même. Enfin, il se pose ce genre de questions. Et cela va faire naître en lui la réelle méditation. Et le fait de savoir, et que le savoir, la connaissance de Allah subhanahu wa ta'ala va grandir avec ce genre de questions. Hein? Et il n'y a aucun doute, comme dit Cheikh au début, que ça va faire quoi? Ça va faire naître en la personne. Ouais, il va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Que des gens vivent, des gens meurent, etc. Et les saisons qui passent, notre âge passe, et ainsi de suite, que ceci nous amène quelque part. Et donc, si ça nous amène quelque part, c'est que il est voulu de nous sommes là pour quelque chose, pour réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tout ça, avec cette méditation saine, ça doit nous pousser à quoi? À accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et œuvrer comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. يقول ليس كذلك إنما لابد أن يكون له من عمله فخلق الله جل وعلا ملكوته أعظم وأعظم فيخرج العبد من هذه الوصية بأنه ولا بد من إيقانه من الله جل وعلا هو ذو الربوبية على خلقه وأنه هو الذي يجير ولا يجار عليه. Il dit que la personne qui médite ainsi, il va sortir avec quelque chose et que il va accomplir des actes. Savoir que cet univers créé par Allah Azza wa Jal est très important, hein? Et il n'est pas créé en vain, n'est pour rien, et que le serviteur en accomplissant le fait de méditer, ce conseil qu'il fait cher ici, hein, qui est le fait de méditer, hein, va lui donner la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la souveraineté au sens large du terme. Hein, et que c'est lui qui protège. Hein, et personne d'autre. Et donc ceci va faire quoi? Faire naître la personne à être encore plus soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu shaykh, fa'idha qarra dhalika fil qalb. Azuma dhalika fil qalb. عظم ذلك في القلب عظم في القلب تفويض الأمر إلى الله جل وعلا لأنه يرى هذه الأرض على عظمها عند أهلها أنها صغيرة عند الله عز وجل فإن السماوات وإن الأرض تطوى يوم القيامة فتكون في كف الرحمن جل وعلا قال سبحانه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وفي القراءة الأخرى كطي السجل للكتاب فهذا أمر عجيب إيه quand ceci se confirme dans le cœur de la personne. Il est évident. Et quand ceci prend la place qu'il doit prendre dans le cœur, et la grande place qu'il doit prendre dans le cœur, il est évident que le fait de déléguer la situation à Allah subhanahu wa ta'ala va être énorme dans le cœur de cette personne. Hein, et qu'il va prendre en considération la majesté de Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il va déléguer comme il se doit cette situation à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il voit que cette terre, malgré sa grandeur, malgré l'énormité de cette terre, chez les gens qui l'habitent, il est petite chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et les cieux et la terre le jour de la résurrection seront pliés. Hein? À côté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils seront pliés. Hein? Dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leur grandeur, les sept cieux, les sept terres, tout est plié. Hein? Comme se plie le manuscrit. Sur les feuilles, se ferme sur les feuilles. Hein? La même chose. Malgré, tu vois, nous, on n'arrive pas à capter l'immensité de cet univers. Et tout ça, pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est rien du tout. C'est minime par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui te prouve la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui doit nous pousser à vénérer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et à accomplir ce qui nous est dû comme il se doit. Et à s'abstenir de ce que nous a interdit Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et il est dit dans le verset, le jour où nous allons plier les cieux comme se plie le manuscrit. Le manuscrit se ferme sur toutes ses pages. La même chose. Et ces cieux vont être pliés ainsi. Hein? Et dans l'autre lecture, comme le livre se plie. Et ça, c'est une situation énorme, une situation extraordinaire. Cela te prouve la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال سبحانه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. Imagine un petit peu, c'est un univers énorme. Allah subhanahu wa ta'ala le décrit ainsi dans le Coran. La terre, les sept terres, sont dans sa poigne azza wa jal, le jour de la résurrection. Et les cieux sont pliés à la droite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne cherche pas comment il est, le qabda d'Allah, on ne cherche pas ce que l'yamin d'Allah, etc. Et on coupe à ces attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le verset, il est tel quel, que les cieux vont être pris par Allah, subhanahu wa ta'ala, pliés par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cela, malgré l'énormité des cieux et de la terre, te prouve qu'ils sont petits devant la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et devant la majesté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وهذه السماوات التي فوقنا سماء تلو سماء وبين السماء والسماء كل ذلك 500 عام يعني كثف كل سماء مسيرة 500 عام وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام وهكذا حتى تنتهي السماوات السبع ثم يكون كرسي الرحمن جل وعلا ثم عرش الرحمن جل وعلا tous ces cieux qui sont énormes qui sont notre toit ce ciel de ce ce bas monde, la distance qui nous sépare de ce ciel, 500 années de marche, comme il est dit dans le hadith. Et donc, l'épaisseur de 500 années de marche sépare le deuxième ciel. Et l'épaisseur de 500 années de marche sépare le deuxième ciel, du troisième, et ainsi jusqu'à arriver au septième ciel. Et tout ceci entier, entouré par quoi ? Par ce qu'on appelle le kursi qui est le piédestal. Et tout ceci entouré par la créature la plus géante qui est le trône d'Allah Azza wa Jal. Alors c'est que, juste dans cet univers, on est perdu. On ne sait plus où on en est. Qu'est-ce qu'il en est ? Du trône d'Allah Azza wa Jal. Et qu'est-ce qu'il en est d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Qu'est-ce qu'il en est d'Allah subhanahu wa ta'ala ? واليوم يقول الشيخ الناظرون بهذه المراصد الجديدة إلى هذه الأجهزة العجيبة توصلوا إلى مسافات عظيمة فيما رأوه من الأفلاك لكن قالوا ثم شيء في هذا الملكوت ثم شيء في هذا الفلك لم نصل إليه ولم تدرك هذه الأجهزة على عظمها خلق الله عجيب et maintenant ceux qui méditent ceux qui sont arrivés avec leur progrès et avec leurs appareils à voir dans cet univers, ils sont arrivés à voir des choses extraordinaires dans l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce qu'ils appellent les galaxies, etc. Mais il a dit, ils sont restés ébahis parce qu'ils ont dit, il y a quelque chose dans cet univers que nos appareils ne sont pas arrivés à décrire. Ni à pénétrer. Oui, non. Il y a des choses. Ils décrivent des choses exceptionnelles, etc. Mais ils disent, mais il y a des choses qui nous échappent, que nos appareils n'arrivent pas à percer. Il n'arrive pas à décrire. Et il est dit dans le Coran, la khalq al-samawat wal-ardu akbaru min khalq al-nas. Il est dit dans le Coran, certes, la création des cieux et de la terre est beaucoup plus énorme et plus grande que la création des gens. ومن يتدبر إكيمي ديت اللي الشيخ حفظ الله تعالى إنما هم أولو الألباب Mais ne médite que ceux qui sont doués d'une raison saine. C'est eux qui méditent et qui prennent la leçon. Ulul albab. Lihada fi ayat al-Baqara qala jalla wa ala. Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahari wal-fulki allati tajri fi al-bahri bima yanfa'u an-nas. Qala fi akhiriha inna fi dhalika la-ayatin liqaumin ya'qilun. Inna fi dhalika la-ayatin liqaumin ya'qilun. C'est pour ça qu'il dit donc l'un des versets de Al-Baqara, certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans la succession de la nuit et du jour, et dans les asques, Allah subhanahu wa ta'ala, dans les trucs là qui vont sur mer, les, comment vous les appelez, les grands arches, oui, les grands archers qui sont dans les mers et qui bougent dans la mer et qui transportent les gens et qui courent dans les océans, avec les choses qui sont bénéfiques aux gens. Et à la fin du verset, il a dit, tout ceci, c'est un signe pour ceux qui sont doués de raison. Toute cette création d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les cieux, la terre, les océans, etc., et tout ce qui se passe, et c'est cette facilité avec laquelle courent les arches dans les océans, tout ceci est un signe, minallah, azza wa jal, pour qui ? Pour ceux qui sont doués de raison. Qui méditent cette création d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui prennent la leçon de cette création et de ces mouvements dans cette création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala fi ayati Ali Imran, inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahari la ayatin li ulil albab. Et dans sourate Al-Imran, yarhamukallah, il dit certes, la création des cieux et de la terre et la succession des nuits et du jour, ceci est un signe pour ceux qui sont doués de raison. فمن الذي يتفكر من الذي يستفيد الشيخ de nous dire qui médite mais qui prend le son qui médite et qui prend la leçon هو ذو اللب وذو العقل il dit celui qui est doué d'une énorme raison et d'une raison saine c'est celui-là qui médite et qui prend la leçon وهذا مما فوته الاكثرون على انفسهم il dit ça c'est une situation que beaucoup n'ont pas eu. Beaucoup ont été privés de cette situation-là. Ils sont passés à côté. Ils sont passés à côté du fait de méditer sur eux-mêmes. Ils sont passés à côté du fait de méditer sur ce qui les entoure. فوت التفكر الذي ينتج حتما ان الله جل جلاله هو الذي خلق وهو الذي صنع وهو الذي برا et ils sont passés à côté du fait de cette méditation de laquelle résulte le fait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a créé et c'est lui qui a fait cette création et qui a fait ces choses à la perfection يقول واذا كان كذلك فالمصير ولا شك اليه سبحانه وتعالى هو الذي ابتدع الخلق وهو الذي يعيده والناس صائرون إليه il dit si l'on est ainsi il y a aucun doute que le retour est vers Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est lui qui a commencé la création et c'est lui qui va la refaire une deuxième fois il y a aucun doute et que les gens vont revenir vers Allah azza wa jal ويوم القيامة آت لا محالة لا ريب فيه فيورث ذلك العبد صحة في قلبه وصحة في عمله وصحة في اتباعه حتى لا يكون في قلبه شك فيما أخبر الله جل وعلا به ولا فيما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم et il dit si la personne arrive à ce moment là pour lui ça va être irréfutable que le jour de la résurrection il va arriver il n'y a aucun doute là-dessus et cela fait hériter chez le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à la personne la santé du cœur, et aussi la validité des actes, et la validité du suivi, et dans son cœur, il n'aura aucun doute sur les choses qui sont annoncées min Allah azza wa jal, et sur les choses que nous a ramené le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette personne-là qui va arriver à ce stade-là, donc il sera dans un suivi, il n'aura aucun doute sur les choses annoncées par Rasul sallallahu alayhi wa sallam et sur les choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncées dans le Coran. Et il dit le Cheikh, la wasiyatu thalitha, انشراح الصدر بالإسلام. Et il dit, حفظه الله تعالى, le troisième conseil, c'est d'avoir la poitrine quiète pour l'islam et ouverte pour l'islam et pour la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. الصدر له أحوال جاءت هذه الأحوال في الكتاب والسنة ومرتكزها على حالين. Dit la poitrine, c'est-à-dire le cœur, il a des situations. Et ces situations sont citées dans le Coran. Et ces situations tournent autour de deux situations essentielles. الحالة الأولى أن يكون الصدر منشرحا للباطل. قال جل وعلا ولكن من شرح بالكفر صدرا. قال العلماء انشراح الصدر بالباطل وسيلة إلى عمله وللاقتراب منه وإلى الوقوع فيه. La première situation de l'ouverture du cœur, c'est qu'il s'ouvre au faux. Il est dit dans le verset. Et celui qui a ouvert son cœur à la mécréance. Les hommes de science, et le fait d'ouvrir son cœur à la mécréance est un moyen pour œuvrer les mauvaises œuvres et de mettre en application la mécréance et de se rapprocher de la mécréance et de tomber dans la mécréance. Le fait de lui ouvrir son cœur, d'ouvrir son cœur au faux, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, cela te rapproche, rapproche la personne de tomber dedans. وكذلك يقابله يقابل انشراح الصدر بالحق فإنه وسيلة وطريقة إلى أن يقبل العبد أن يقبل العبد على هذا الحق وعلى أن يأتيه. قال جل وعلا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال جل وعلا في فاتحة سورة الأعراف فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. Et en face au fait que la poitrine ou que le cœur soit ouvert pour le faux, il y a l'autre situation qui est la situation contraire. C'est le fait que le cœur qui est dans la poitrine soit ouvert à la vérité. Et ça aussi, c'est un moyen pour accomplir la vérité. Et pour que quand le cœur de la personne est ouvert à la vérité, c'est un moyen pour mettre en application cette vérité et pour accepter la vérité. Il est dit dans le verset. Et celui que Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert son cœur pour l'islam, celui-là, il est dans une lumière de son souverain. Il est dans la clarté de la meilleure des situations. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ouvert son cœur, il l'a soumis à lui, il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, son cœur est qui est dans sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là, il est dans la plus grande des clartés. Min Allah azza wa jal. Il est dans l'autre verset, celui que Allah subhanahu wa ta'ala veut guider, il œuvre son cœur pour l'islam. Et celui qu'il veut égarer, il fait que son cœur soit serré. Il n'accepte pas. Et dans le début de Sourate Al-Araf, il dit, et que ta poitrine ne soit pas serrée, et qu'il n'y ait pas de gêne dans ta poitrine, averti de ce qui t'a été révélé. Parce qu'au début de ce verset, il parle du livre. Il dit, il ne faut pas que ta poitrine, il dit à Rasoul Sallallahu Alaihi, il ne faut pas que ta poitrine soit serrée. Parce que de cette révélation que tu as reçue, et cette révélation, tu dois avertir avec, et c'est un rappel pour les croyants. C'est-à-dire, cela veut dire que des cœurs s'ouvrent pour le bien, et d'autres cœurs s'ouvrent pour le mal. Et si le cœur, il est ouvert pour le mal, il a pris déjà le chemin pour accomplir le mal. Et quand il s'ouvre, et quand Allah subhanahu wa ta'ala l'accomplit, et l'ouvre sur le bien, il a pris le chemin pour accomplir le bien, min Allah azza wa jal. فهذا الصدر إما يكون منشرحا للحق وإما أن يكون منشرحا للباطل. Donc la poitrine, qui est le cœur, en réalité ce qu'il voulait avec c'est le cœur, soit il est ouvert pour la vérité, soit il est ouvert pour le mal et pour le faux. والباطل أنواع والحق أنواع. Et le faux, c'est une gamme. Comme la vérité, c'est une gamme aussi. Il y a une variété dans le faux, une variante aussi dans le vrai. ولكن جماع الحق هو ما جاء في الكتاب والسنة. Mais la réunion de la vérité, c'est ce qui est annoncé, ce qui nous a été rapporté dans le livre d'Allah et l'authentique de la Sunna. Jima'u al-haq huwa din al-islam. L'union de la vérité, c'est la religion de l'islam, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Wal batil shu'abun katira wa wasa'iluhu katira. Et le faux, ses branches sont nombreuses et les moyens qui amènent vers le faux sont nombreux aussi. فمن شرح صدرا بنوع من انواع الباطل فانه وسيله الى ان يخسر ويخسر حتى يكون هذا الصدر قد حوى الباطل ثم تواقع الباطل القلوب والجوارح. Et il dit حفظه الله تعالى, celui qui ouvre son cœur à une catégorie du mal et du faux, il a pris un moyen pour arriver à perdre et à perdre et à perdre jusqu'à faire que la poitrine soit remplie que du faux. Et les cœurs, les gens sont ainsi, vont être remplis de quoi? De faux. Et si le cœur est rempli du faux et du mal, les membres, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent. Ce ne sont que des soldats qui suivent le commandant qui est le cœur. Si le cœur est rempli avec le bien, il y aura le bien. Mais si le cœur qui est le commandant est rempli de mal, qu'est-ce qu'il va faire la personne? Le mal. يقول لهذا كان من اللوازم على العبد أن يكون متأملا في هذه الآية في قوله عز وجل ولكن من شرح بالكفر صدرا وفي قوله فلا يكن في صدرك حرج منه وذلك أن انشراح الصدر بالحق وسيلة إلى مواقعته وأن انشراح الصدر بالباطل وسيلة إلى مواقعته. Il dit, c'est pour ça qu'il est obligatoire aux serviteurs de méditer ce verset où il dit, mais celui qui ouvre sa poitrine à la mécréance. Et de méditer aussi, l'autre verset dit, qu'il n'y ait aucune gêne dans ta poitrine pour cela. Pourquoi? Pour la révélation. Qu'il n'y ait aucune gêne dans ta poitrine en ce qui concerne la révélation. Parce que le fait d'ouvrir son cœur à la vérité est un moyen pour accomplir la vérité. Et le fait d'ouvrir son cœur pour le faux est un moyen pour tomber dans le faux et d'accomplir le faux. يقول الشيخ بما يكون انشراح الصدر بالباطل وبما يكون انشراح الصدر في الحق إن أنواع الباطل كثيرة. Il dit avec quoi la poitrine s'ouvre au faux, avec quoi le cœur s'ouvre au faux, et avec quoi le cœur s'ouvre pour la vérité. Il dit le nombre de faux, il y a beaucoup de catégories de faux et de diversité dans le faux. يقول فخذ من أنواع الباطل انشراح الصدر لعظم تعظيم الله جل وعلا. أحيانا يأتي من يأتي ويكون يحضر المجالس التي فيها عدم توقير لله جل وعلا, يعني إذا ذكرت الآيات فلا تجد في قلوبهم وجل ولا خوف ولا تعظيم المتكلم بهذه الآيات, وإذا ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عارضوه بآرائهم وبعقولهم فينشرح معهم ويضحك كما يضحكون ويستأنس كما يستأنسون, وهذا من نوع من انشراح الصدر بالباطل. والواجب على العبد أن يكون قلبه منشرحا للحق, وإذا أتاه نوع من أنواع الباطل فيكون في القلب بغض لذلك, يكون للصدر بعد عنه وكراهية لذلك الشيء. Il dit حفظه الله تعالى prend une catégorie du faux, une ouverture du cœur pour une catégorie de faux, qui est le fait de ne pas vénérer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Il dit des fois, parmi les gens du bien qui assistent au cours, vont y assister à des assises dans laquelle on respecte pas Allah azza wa jal. Et dans laquelle, quand on cite des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne les touche pas. Il n'y a pas la crainte dans les cœurs, il n'y a pas le respect, il n'y a pas la vénération vis-à-vis de celui, et le respect vis-à-vis de celui qui parle avec les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il cite des hadiths, quand il cite des versets, ils s'opposent à lui avec leurs opinions et avec leurs raisons. Et l'autre, il trouve ça bien, son cœur s'ouvre à ça, il rigole avec eux comme il rigole, et il se trouve en bonne compagnie avec eux. Il trouve, il agrée cette compagnie dans laquelle ils sont, alors qu'ils sont en train de quoi? De s'opposer à la parole du prophète, avec leurs raisons et avec leurs opinions. Et ils ne respectent pas les versets d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, dit Cheikh Hafidhahullah ta'ala, c'est une forme parmi les formes d'ouvrir son cœur au faux. C'est une des formes d'ouvrir son cœur au faux. Hein? Quand il ne peut pas changer la situation des gens qui polémiquent, ceux qui disent n'importe quoi sur Allah, là qui s'opposent à la parole du prophète, il vaut mieux pour toi, frère en Allah, Azzawajal, que tu te sauves d'eux, hein? Au lieu de rester rigoler avec eux. Hein? Donc il est obligatoire pour le serviteur de Allah que son cœur soit ouvert pour la vérité. Et quand il lui arrive quelque chose de faux, il faut que dans le cœur, il y ait le fait de détester et de repousser ce faux. Hein? Et qu'il le déteste, qu'il le repugne, qu'il... Hein? Pas qu'il rigole, qu'il reste avec. Ou si c'est rigole et qu'il reste avec, c'est qu'il a ouvert son cœur pour une... Hein? Une variante du faux. يقول الشيخ لهذا انشراح الصدر بالباطل يأتي بالباطل حتى يخشى العبد. Le fait que le cœur de la personne s'ouvre au faux, hein, va ramener la personne vers le faux jusqu'à ce que la personne elle-même tombe dans le faux. Ça s'enchaîne. خذ مثلا الغيبة. كلنا يعلم أن الغيبة حرام وهي كبيرة من الكبائر. فلا يزال العبد يستسهل بها حتى يكون حديثه غيبة ينشرح صدره لهذا النوع من أنواع الباطل حتى يعاقب بأن لا ينفك عنه. Prends par exemple la médisance. Tous on sait que la médisance est haram, illicite, qu'il fait partie des péchés capitaux. Mais on cesse de la prendre à la légère, de prendre la médisance à la légère, jusqu'à ce que nos conversations ne soient que de la médisance. Jusqu'à ce que les cœurs s'ouvrent à cette médisance, à la médisance, et s'ouvrent à ce genre de faux. Jusqu'à ce que la personne soit châtiée par Allah, subhanahu wa ta'ala, que tout ce qu'il dit, ce n'est que de la médisance. Après, il ne peut plus. Tout ce qu'il dit, tout ce... c'est de la médisance. Parce qu'il a ouvert son cœur à son mal. Il s'y est installé dedans, il s'est devenu quelque chose de laquelle il ne se sépare plus. Hein? Regardez combien d'assises, hein? Où on agit comme, hein? Vous connaissez, vous avez déjà vu un cordonnier travailler, hein? Vous avez l'aiguille du cordonnier, ce qu'il fait, il rentre d'un côté, il sort de l'autre côté, et il retourne de l'autre côté. Ah, dans certaines assises, on passe dans une famille, et vas-y, hein? Et on repasse par la sœur de l'autre côté de telle famille, et vas-y. Et on passe, et vas-y. Et la soirée se termine comme ça. On mange la chair de nos frères et de nos sœurs morts. Hein? On grignote leur chair. Hein? Comme on grignote les cadavres en réalité. On est dans une assise, Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'aime pas. Hein? Et regardez combien de temps. Combien de choses. Et le fait d'être avec quelqu'un et d'accepter ce qu'il dit sur les autres et de ne pas le remettre à sa place, crains Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu ouvres ton cœur, tu l'ouvres à ça. Hein? Et donc petit à petit, ton cœur, tu le donnes au faux, tu l'ouvres au faux, et tu l'acceptes et tu vas être châtié avec quoi? Avec le fait que toi aussi, tu vas tomber dans la médisance et ça va être une de tes caractéristiques. Allah subhanahu wa ta'ala salam wa l'avir. Vous voyez que les chemins, le fait, comment, qu'il y a une variante pour ouvrir son cœur au faux. يقول حفظه الله تعالى خذ مثلا فضول النظر النظر إلى النساء وعدم غض البصر عنهن فلا يزال ينظر وينظر ويستهل بذلك حتى ينشرح صدره إلى ذلك فيرى أن أنه ليس تم شيء في النظر إلى ذلك فيخشى أنواعا من الباطل بانشراح الصدر لذلك الباطل. On par exemple aussi le fait de regarder, hein, les femmes. Hein? Le premier regard, il est à toi. Au-delà du deuxième, il est contre toi, Khalil Islam. Le fait de regarder. Hein? Et que petit à petit, la personne, ça y est, il n'empêche plus son regard. Hein? Et le soir, quand il se retrouve, il n'arrive pas à dormir, il met la télé, il va chercher sur un... n'importe quoi sur internet, etc. Et après ça devient facile. Son cœur gobe le faux. Et ça devient facile. Et après, sa main, tic, ses yeux, tic, hein, et voilà. Donc il ouvre son cœur pour le mal. Hein. Et des fois, certains disent, hein, il a des films de karaté, je les regarde tout simplement pour apprendre. Comment tu apprends? Et il y a des filles, il y a la musique, il y a tout, tu apprends. Pour apprendre, qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu racontes? Shaitan n'arrête pas de cartonner. Il passe des nuits, et des nuits. Hein? Et sur des trucs, et des musiques, et des trucs, et des paroles des fois, qu'il écoute des paroles qui sont du domaine de la mécréance, il va zinta, il a listé, hein? Il n'y a jamais dans ce genre de truc quelque chose dans lequel il n'y a pas un héros et une héroïne. Hein? Et l'héros et l'héroïne, qu'est-ce qu'ils font? Hein? C'est des enfants de cœur. Enfin, le fait d'ouvrir et de ne pas être sage au niveau de son regard, de ne pas savoir maîtriser ses membres, etc. Ben, qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène à ouvrir les portes, notre cœur au mal. Et à capter le mal jusqu'à ce que s'il devient... Hein? Et certains m'ont raconté une fois, ils me disent, j'arrive plus à m'empêcher de voir un film ou deux avant de dormir. Subhanallah. Hein? Enfin, c'est très dangereux, l'islam. Et ça fait partie des choses. Allah nous musta'an. Qu'est-ce que ça va te ramener de plus? Ça ramène que le mal. D'écouter la musique. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala salam wa l'afir. Voilà. Les portes du mal sont nombreuses à l'islam. Kadalika fukhud fudul al-kalam fudul al-lisan fa inna sadra wal qalbayn sharihan li hadha an-naw' min al-batil bi an yadkhula fi kalam la yasukh kalam fihi ta'addi fihi nayl min al-a'rad aw qawl fihi maqalat su' wa dhann su' ila akhir mimma nahaa Allah jalla wa ala anhu min mubiqat al-lisan wa min afat al-lisan fa yansharihu sadru al-'abd bi dhalika hatta yakuna amma hu dhalik. Des paroles qui ne servent à rien. Hein? Le cœur, hein, s'ouvre à ce genre de truc, à ce genre de faux. Et après, la place est ouverte à tout. Et après, dans ces paroles, on dépasse les limites. Parler sur l'honneur des autres, sur les familles, sur les couples, sur les sœurs. Et après, pourquoi tu t'occupes, Minta? C'est la femme de l'autre et toi qui sera. C'est que ton regard. Depuis quand? Hein? On doit s'occuper des femmes des autres ou là des soeurs des autres. Hein? Et ou alors, tu ramènes une mauvaise parole ou un mauvais sujet, etc. Il s'étale dessus et chacun il commence à disserter l'un et l'autre, etc. Et des fois sur des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et des fois des choses parmi le moubiqat qui nous ramènent vers notre perte. Parmi les choses qui sont dites avec notre langue. Mais la poitrine est ouverte à tout ça. Donc c'est une forme du bien vers laquelle on a ouvert notre cœur. Regarde, par exemple, certaines fois, il y a certains, ils ouvrent des salons, dont Internet, dont le Paltok. Wallah ya akhal islam, au nom de l'islam, c'est plutôt tourner manège. Il y a des paroles qui s'échangent entre eux. Et là, et l'autre, tu l'entends, attends, on va passer un petit verset. Et l'autre, il dit, ben, c'est l'heure d'Yal Isha, on y va, on revient après. Subhanallah. Mais quand ils reviennent, l'ayadan billah. Et je ne te dis pas les mots qui se passent entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Voilà, c'est ouvrir son cœur al batl. Hein? خذ مثلا كذلك ايضا من فضول المقال ما يكون من البعض من انه ياتي عنده اصحاب وان كانوا اصحاب خير وهدى فيدخلون في كلام يعلم هو انه لا يجوز لهم رعاية لصحبتهم يدخل معهم في ذلك المقال إما فيه نيل من أهل العلم أو فيه نيل من المسلمين أو فيه ظن سوء أو فيه اتباع لغير سبيل المؤمنين من البدع والمحدثات ونحو ذلك فيظل يجامل كما يقال ويجامل ويجامل حتى ينشرح صدره للباطل. Et prend aussi, par exemple, certaines paroles, certains exposés, et certaines choses qui sortent, et certaines dissertations qui sortent de la bouche de certains, et certains, tu vois, certains de ses amis viennent le voir. Hein? Et des fois, ce sont des amis du bien. Ils rentrent à parler de choses, et lui, il sait qu'ils n'ont pas le droit à traiter ce genre de choses. Ce n'est pas de leur domaine, ce n'est pas de leur niveau, ça ne leur convient pas. Mais pour protéger, et protéger sa compagnie et son amitié avec eux, il les laisse et il les écoute. Hein? Peut-être que ces paroles, il y a dedans le fait de critiquer les hommes de science, le fait de parler en mal des musulmans, le fait que, hein, de croire des mauvaises choses sur la voie du puiseur d'Allah Alim et autres, ou le fait d'appeler, le fait de suivre l'innovation ou autre. Et lui, il reste là. Et il va dans leur sens. Il les caresse dans le sens du poil. Et agissant ainsi, aujourd'hui, demain, c'est que le cœur s'ouvre au mal. Et après, il va y tomber, Inch'Allah. Hein? Al-Qusalam. Nous allons arrêter là, Inch'Allah, c'est l'heure de l'adhan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa sallallahu alaykum wa jazakallahu khairan.